Peufra. Peufra. Salala. Salala. Salide. Salala. Salala. Salide. Tim Peufra. Potion magique, j'oublie tout, je vis wesh. Faut que tu les wettes, on m'a toujours dit wesh. Cherche réussite malgré ton sortilège. Tu me ralentis, panique ton shorty et tes mèches. On veut des pavillons, nous propose maison d'arrêt. Inspiration, bresson comme sénégalais. On part poussière, la faucheuse passe le balai. Ça fume la peuf jusqu'à laisser sa vie taillée. Peufra c'est carré, je te niquerai pas ta rhum que si c'est le carême. Peufra détaillé, 100% bénef comme salaire à Kerim. Que de la recul, on avance à recul. Un frère en galère, tu sais qu'on s'en occupe. Les principes, ne cours plus les rues. Baisse ton slip, fais du rap, tu feras des vues. On veut le million, sabré le dent Pérignon. Quitter la thèse, quitter les environs. La vie est courte, le vécu en dit long. Salut de fuck la classe moyenne si t'es pauvre un riche. Fuck la classe moyenne si t'es pauvre un riche. Partout à l'aise quand tu viens d'une zone à risque. Partout à l'aise quand tu viens d'une zone à risque. Donne-moi ma ce champ cliqué, fait du boucan. Je kiffe les brunes caractères au loup qui roule du cul en boudin. Tu me souhaites la prison, la mort que des galères. On te souhaite le bonheur d'aller niquer ta mère. Je kiffe ton cul, ton teint, tes petites fossettes. Je préfère cracher dans toi que cracher dans chaussettes. Hôtel 5 et toi, je me balade en golfette. Je suis dans un film et le film c'est saucette. Faut faire l'oseille, pas se noyer dans rivière. Deux choses qu'il faut fuir, son ex et la misère. J'ai le permis de niquer des mères. Je te permets pas de me monter les nerfs. Gros tarpé au bord d'un MGCL, grosse avance pour que maman allait, je sais d'être. Aujourd'hui faire du sale, tu sais que c'est d'être, faut chanter la la. Pour que ça la bouche et fesse. On veut le million, sabrer le temps Pérignon. Quitter la thèse, quitter les environs. La vie est courte, le vécu en dit long. Salut de